va-t'en maintenant. Il est encore temps de partir. Va, va-t'en maintenant. Ne reste pas là à souffrir. À quoi ça sert de t'accrocher? Oui, tu le sais, son cœur n'est plus le même. Il faut l'oublier. Oui, va, va-t'en maintenant. Tu vois bien que tout est fini. Mais va, va, va-t'en maintenant. Avant que de toi elle rit. Oui, chasse-la de tes pensées. Et puisqu'elle a triché,